Cette question, Jean Lebrun, dans le vif de l'histoire, quelle date pour célébrer l'abolition de l'esclavage? Au plan national, c'est le 10 mai, date de la loi Taubira, qui qualifie l'esclavage de crime contre l'humanité, c'était il y a un peu plus de 20 ans. Mais en Martinique, par exemple, c'est le 22 mai, et vous avez voulu vous placer à égale distance de ces choix chronologiques. Oh bah c'est plus prudent, hein, parce que le dissensus est si profond. Je vais même revenir au 27 avril, si vous le voulez bien, 27 avril 1848. La République en France, la deuxième, a légiféré dans l'immédiateté, alors qu'en Angleterre, le processus d'abolition avait commencé plus tôt, mais il avait été graduel. Donc un décret, le 27 avril 1848, qui est présenté actuellement dans sa matérialité par une petite exposition aux Archives nationales, accompagnée très simplement de quelques signes de la vie dans les plantations des Antilles, ainsi des entraves de fer que devaient porter les esclaves. Le texte voté en 48 par l'Assemblée est issu d'un comité animé par le pionnier Schœlcher. Il est lapidaire. Dans les lieux libérés, je cite, de la servitude, l'accès des anciens esclaves masculins à la citoyenneté est ouvert. La célébration du 27 avril a longtemps été celle d'un moment zéro, institué par la République, qui se targuait de faire table rase du passé. Les statues de Schœlcher, disséminées aux Antilles, le représentent volontiers, debout, de haute stature, posant une main protectrice sur la tête crépue d'un petit noir. Il va sans doute mener à l'école, où l'attend un nouveau destin qui n'aura plus rien à voir avec celui de ses parents. Et alors comment, en contradiction avec cette vision, la date du 22 mai a-t-elle émergé en Martinique? À Schœlcher, il est maintenant reproché de n'avoir pu ou voulu changer, ni même ébrécher, le système économique des plantations. Les anciens esclaves, devenus nouveaux, libres, citoyens, électeurs, même pour les hommes, ont dû continuer à travailler dans des conditions qui leur ont paru inébranlables. Les propriétaires, qui avaient été indemnisés pour leur libération, avaient la possibilité de les enfermer dans un nouveau statut inégalitaire, celui d'engager sur un temps long. Or, dès le centenaire de l'abolition, en 1948, Aimé Césaire, le poète, le grand leader de la Martinique, avait glissé dans son hommage à Schœlcher une évocation de la révolte du 22 mai 1848 qui, dans son île, avait suivi la parution du décret à Paris. Les esclaves réclamaient une application sans aucun délai du décret. Ils étaient descendus des mornes, ils avaient allumé des incendies. L'objectif des historiens antillais qui ont beaucoup influencé la mise en place des nouveaux dispositifs de mémoire et proposé cette date du 22 mai, c'est de dire que ce sont les esclaves eux-mêmes qui, révoltés de tout temps, ont arraché l'abolition. Et le 22 mai prend de plus en plus d'importance en Martinique. Quand il était maire de Fort-de-France, Aimé Césaire en avait fait une journée de repos et de célébration, et depuis les autorités civiles et religieuses l'ont rejoint. Le MIR organise une grande traversée à pied de l'île. Le MIR, c'est le mouvement international pour les réparations. Il parle de trois R. Le premier R comme reconnaissance, c'est le langage assez largement accepté depuis la loi Taubira. Mais avant le troisième R, réconciliation, il y en a un deuxième R comme réparation. Alors réparation, ça pose beaucoup de questions. Comment faire réparation aujourd'hui? Par le don symbolique d'un lopin, on en parle à la Réunion, par des versements d'argent à des programmes de développement, versements abondés par qui, programmes de développement choisis par qui? Oui, il y a un autre R, responsabilité. Alors, vous avez beau, Bruno, venir de Vendée, non? Oui. Laquelle a donné des hommes au commerce négrier de Nantes. Et moi de Saint-Malo, où la traite a servi d'économie de complément. Nous ne sommes pas responsables de ce qui s'est fait avant nous, sans nous. Et dans des structures économiques dont les individus de l'époque eux-mêmes n'étaient pas coupables. Cependant, Bruno, un autre type de responsabilité peut être imaginé qui nous concerne tous. Une responsabilité devant l'avenir. La marche 2021 du MIR allait de mangrove en rivière comme pour rappeler notre rôle de veille face aux ressources naturelles. Cette année, le climat risque d'être particulièrement tendu le 22 mai en Martinique. L'usage dans les bananeraies pendant des lustres de la chlordécone, un perturbateur endocrinien, a provoqué la protestation et on sait que l'application vaccinale a provoqué, elle, le rejet. Ces colères multipliées se combinent avec le souvenir sans cesse réanimé par les activistes de la souffrance des ancêtres. Le MIR appelle même à une reconnexion avec l'Afrique. Je vais citer Césaire pour finir. Vous savez que ce n'est point par haine des autres races que je m'exige, bûcheur de cette unique race, ce que je veux, c'est pour la faim universelle, pour la soif universelle. Et vous ajoutez un outil commode pour voir plus clair dans ces débats, le livre de Magali Besson et Myriam Cottas, Lexique des réparations de l'esclavage aux éditions Cartala. Merci Jean Lebrun. France Inter.